nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Et oui, il fut un temps où les ordinateurs, les tablettes et Internet n'existaient pas. Les lecteurs CD, DVD et les magnétoscopes non plus. Un temps où les magnétophones à bande étaient rares et ceux à cassette inexistants. Un temps où le disque était à peu près, avec la radio bien entendu, le seul moyen d'accès aux enregistrements sonores. C'était encore ainsi en 1964 quand Guy Herisman menait une grande enquête sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Dans le 7e volet de son enquête, c'était davantage de l'usage que de l'art dont il était question, et plus précisément de l'usage pédagogique de l'enregistrement sonore. Pour en savoir plus long, il rencontrait Georges Rouvert, alors à la tête de la division des moyens sonores du défunt Institut national de recherche pédagogique, devenu l'Institut français de l'éducation. Georges Rouvert vantait les mérites pédagogiques du disque, en particulier pour l'enseignement de la littérature théâtrale. Ce 7e des 12 épisodes de l'enquête de Guy Herisman était l'occasion d'entendre Gérard Philippe dans Le Cid, mis en scène par Jean Villard, et l'intégralité des Fourberies de Scapin, à la Comédie Française, avec Robert Hirsch dans le rôle de Scapin, dans une mise en scène de Jacques Charon, qui était lui, Sylvestre. Magie et vérité des sons, avec Georges Rouvert, 7e volet d'une série de 12, diffusé la première fois le 11 août 1964 sur France Culture. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Herisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Si nous abandonnons les questions strictement artistiques et esthétiques, l'art de l'enregistrement sonore, pour nous préoccuper spécialement de son usage, de son application, il est un domaine qui se présente immédiatement à notre réflexion, c'est celui de la pédagogie. Ce problème, nous l'avions déjà abordé lorsque Jean Thévenot, dans une précédente émission, exposa l'exercice du magnétophone par les amateurs, et ces amateurs étant précisément des éducateurs. Deux d'entre eux, M. Guérin et M. Gendre, sont même venus à notre micro nous faire part de leurs expériences. Aujourd'hui, pour compléter notre dossier, nous rendons visite à un autre spécialiste dans les bureaux même de l'Institut pédagogique national. M. Rouvert, vous êtes chef de la division des moyens sonores de l'Institut pédagogique national. C'est un titre qui situe parfaitement le domaine qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire celui de l'utilisation du disque et du magnétophone dans l'enseignement. Voyons tout d'abord le disque. Selon vous, quel est le rôle du disque dans l'enseignement ? Écoutez, le rôle du disque dans l'enseignement est extrêmement important pour moi puisque je suis chargé de m'en occuper ici. Et je m'efforce de persuader mes collègues de son intérêt et de son importance. C'est encore une question très large. Je crois qu'on va essayer d'y répondre en petits morceaux. Pour le moment, disons qu'il me permet, il me semble qu'il permet d'introduire à l'intérieur de la classe une voix étrangère, un acteur, une comédie, un paysage sonore et évidemment la musique, qui est peut-être extrêmement importante dans l'enseignement. Est-ce que les disques en général, les disques d'enseignement, touchent les différentes disciplines aux différents degrés? Oui, il y a des disques pour les classes maternelles et il y a des disques qui intéressent les classes terminales du second degré et des disques pour tous les niveaux d'enseignement. Et il y a également des disques pour toutes les disciplines. Depuis essentiellement, bien sûr, les langues vivantes jusqu'à cas l'histoire, la géographie et la littérature. Mais y existe-t-il des disques pédagogiques, c'est-à-dire conçus spécialement pour l'enseignement, et à côté du répertoire qui est à la disposition du public? Oui, il existe des disques spécialement conçus pour la pédagogie. Et ce ne sont pas d'ailleurs les plus faciles à réaliser. Ils ne sont pas non plus ceux qui obtiennent le plus facilement l'agrément de l'éducation nationale. Car justement, nous sommes plus sévères, parce que plus exigeants, à l'égard de ces disques qui sont vraiment faits, conçus pour notre enseignement. Et puis il y a dans la multitude des disques réalisés pour le grand public énormément de choses qui intéressent l'enseignement, et ces disques-là sont également l'objet de notre intérêt et de l'examen de nos commissions. Précisément, quel est le rôle de l'Institut pédagogique et de vos services en particulier? Eh bien, un des rôles essentiels, c'est un rôle de sélection. Nous recevons, nous commandons d'ailleurs en service de presse toutes les maisons d'édition de disques, tous les mois, les titres qui nous paraissent intéresser l'enseignement. Ces disques sont soumis à des commissions de spécialistes, des commissions qui sont des commissions de discipline. Ces disques sont essayés par des professeurs qui font partie de ces commissions à l'intérieur même de leur classe, sont testés devant des enfants, par des enfants, sont ensuite remis à notre commission mensuelle avec une sorte de compte-rendu qui rend compte exactement de l'effet produit par le disque sur les enfants, des défauts et des qualités de ces disques. Et ces disques sont ensuite agréés ou refusés par l'Éducation nationale. Sont-ils agréés ou refusés, ou bien sont-ils cotés selon leur degré? Ils sont agréés ou refusés. Ils sont agréés avec des nuances. Ils sont agréés avec enthousiasme, parce qu'ils correspondent exactement à ce qu'on voudrait que soit le disque d'enseignement. Et alors là, ils sont agréés avec la mention recommandée, c'est-à-dire disque qu'on peut acheter en première urgence. Ou bien ils sont considérés comme valables et ils sont dit utilisables. Ou bien alors, encore une fois, ils peuvent être refusés, tout simplement. Et on n'a pas le droit, enfin, le professeur, l'instituteur, n'a pas le droit d'acheter sur des crédits d'État un disque qui a été refusé par l'Éducation nationale. Je suppose que la commission, ayant fait son travail, le résultat de ces sélections sont portés à la connaissance des enseignants. Et par quels moyens? Bien sûr, nous nous efforçons en tout cas de faire connaître les résultats de façon très large. Je vous dirai tout de suite que c'est encore, à mon avis, de façon trop limitée quand même. Cependant, nous faisons connaître à tous les centres régionaux de documentation pédagogique qui sont des succursales académiques de l'Institut pédagogique national. Nous faisons connaître mensuellement les résultats de nos commissions. Et puis, nous éditons des brochures qui sont des répertoires de disques choisis, où tous ces enregistrements sont en effet cotés, où l'on indique à l'occasion de chaque titre la classe, la discipline qui est particulièrement celle intéressée par le disque. Je crois d'ailleurs que la radio vous aide à faire connaître votre sélection. En effet, nous en sommes ravis. Il y a une émission Disque pour la jeunesse animée par Madame Fernande Bergerac qui nous permet de faire vraiment connaître les disques, non plus seulement et avec des mots et des répertoires, mais en faisant entendre les œuvres et en permettant aux professeurs de les écouter et de les choisir avec évidemment tous les moyens de la radio. Est-ce que les enseignants ont la liberté d'utiliser ces disques à leur convenance, selon les méthodes qu'ils ont eux-mêmes déterminées, ou bien est-ce que vous préconisez certaines méthodes? Vous savez, il est bien difficile de préconiser des méthodes. Dans ce domaine, je crois que c'est encore à la liberté, à l'initiative et à la passion même des professeurs qu'il faut en remettre. L'utilisation du disque est encore quelque chose d'assez mal connu et de trop particulier encore pour être soumis à une véritable discipline et à des méthodes. Je pense qu'il y a quand même certaines recommandations que l'Institut pédagogique peut faire aux enseignants, ne serait-ce que la façon de présenter les disques, la façon de créer des conditions d'écoute, par exemple. Oui, il faudrait encore préciser, évidemment, de conditions d'écoute de quel disque. Imaginons provisoirement, si vous voulez, un disque de lettres, un disque de littérature, parce que les conditions d'écoute pour un disque de langue vivante sont extrêmement différentes. J'imagine qu'on n'est jamais assez attentif à la préparation d'un climat sonore. Un disque est essentiellement aveugle, et il faut que l'enfant soit dans un climat qui favorise cette attention uniquement auditive. Eh bien, j'imagine qu'avant l'audition, on peut rassembler des gravures, des illustrations, des cartes. On peut expliquer quelques mots difficiles qu'on va entendre dans le disque. On peut placer l'audition dans son cadre général en résumant l'œuvre d'où l'audition est extraite. Bref, créer l'atmosphère nécessaire, voyez-vous, à la concentration et à la préparation de l'audition. Il faut retrouver l'équivalent des trois coups, hein, et l'équivalent du rideau qui s'éclaire avant de se lever, quoi. C'est vraiment un petit cérémonial qu'il faut trouver. Et quelles sont, selon vous, les disciplines importantes, tout au moins celles qui sont le mieux servies par le disque d'enseignement ? Essentiellement, bien sûr, la musique. Ça, c'est trop simple pour qu'on ait besoin de développer. Et bien sûr aussi les langues vivantes. Alors là, dans les langues vivantes, c'est très connu. Moi-même, en préparant mon baccalauréat, je me suis servi des disques. Et depuis, de nombreuses méthodes sont nées. Et maintenant, de nombreux disques de littérature étrangère qui peuvent évidemment apporter beaucoup à l'enseignement de nos langues. Est-ce que ces méthodes sont efficaces ? Ces méthodes sont en général, il faut bien le préciser, des méthodes destinées à des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des écoliers du tout. Donc on doit pouvoir utiliser un certain nombre de ces disques pour l'enseignement, pour des clubs, pour compléter, en tout cas pour apporter à la classe des voix qui ne sont pas celles du maître. Mais je ne pense pas que ces disques répondaient vraiment, vraiment aux besoins de la pédagogie de nos classes de langue vivante. Mais est-il exact que l'Institut pédagogique édite des disques de langue voilà. vivante ? Et c'est bien parce que j'étais persuadé que ces disques ne correspondaient pas vraiment à la pédagogie de nos classes, que nous sommes efforcés de créer un disque qui, lui, alors, vraiment répondait à ses besoins. Il faut bien le dire, pour qu'un disque puisse rendre tout ce qu'il a à donner, il faut qu'il soit entendu plusieurs fois. Il faut qu'il soit littéralement enregistré par l'élève. Et nous avons créé, il y a 2 ans, une série de disques qui s'appelle « Disques de l'élève ». Ces disques sont très bon marché. Ils sont conçus par des pédagogues choisis par l'Institut pédagogique national, dont le travail est également contrôlé par les commissions de l'Institut pédagogique national. Ils sont édités en 16 tours. C'était pour encore mettre le plus de choses possibles, le plus de langues, le plus de mots, le plus d'exercices, le plus de variété dans ces exercices, dans le plus petit espace. Si je calcule bien, 16 tours en 17 cm, ça fait presque une demi-heure. Ça fait une demi-heure d'écoute. Or, nous sommes arrivés à donner une demi-heure d'écoute pour 4,50 francs. Et si le professeur peut réunir une commande de 10 disques, il peut avoir ce même disque 17 cm 16 tours pour 3,60 francs, qu'il peut donner donc à ses élèves. Et oui, il y avait là un moyen qui était tout nouveau, je crois, d'utiliser le disque de langue vivante dans l'enseignement. Mais ces disques, qui sont effectivement très bon marché et dont l'efficacité me paraît indiscutable, ces disques sont-ils à la disposition du public ? Ils sont surtout à la disposition des professeurs. Ce sont les professeurs qui sont informés, et que nous avons très souvent informés de l'existence de ces disques, qui doivent les faire connaître à leurs élèves, et qui doivent, idéalement toujours, parce que ça ne se réalise pas de façon aussi impeccable que nous le souhaiterions, qui doivent réunir les commandes et les porter jusqu'à ce centre régional de documentation pédagogique, c'est-à-dire cette succursale de l'Institut pédagogique national où ils trouvent ces disques en vente et au prix que nous indiquons ici, n'est-ce pas? Mais en effet, pourquoi pas, le grand public, s'il le désire, peut fort bien acheter ce disque dans ce même centre régional de documentation pédagogique. Il est donc important de le faire savoir. Il est très important de le faire savoir, je suis ravi que vous m'en donniez l'occasion. Donc une politique du disque dans l'enseignement suppose que chaque classe, à quelques degrés que ce soit, au primaire, au secondaire ou dans les facultés, chaque classe est équipée d'un électrophone et d'un magnétophone. Oui, idéalement, c'est exactement ce qu'il faudrait. Disons que l'électrophone est actuellement tout de même le moyen audiovisuel le plus répandu dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des électrophones à peu près dans toutes les écoles. Et certainement dans tous les grands établissements, plus d'un électrophone. Pour le magnétophone, c'est évidemment très différent. Alors venons-en, mais justement, au magnétophone, quel est son emploi dans l'enseignement, dans une classe? Là encore, il faudrait nuancer, il faudrait parler de niveaux différents, du primaire, du secondaire, des langues vivantes, en particulier dans le secondaire, et des laboratoires de langue dans quelques établissements privilégiés. Voyez-vous, c'est encore très large comme problème. Dans le primaire, je crois que le magnétophone commence à avoir du succès. On a eu l'exemple vraiment remarquable de l'école moderne, des techniques freinées. Il y a parmi les éducateurs qui ont suivi les techniques freinées, des instituteurs qui ont fait du magnétophone vraiment un instrument pédagogique de première classe. Et il faut bien le reconnaître, nous avons encore beaucoup à apprendre d'eux et j'utilise beaucoup de leurs découvertes. N'ont-ils pas inauguré les montages sonores de diapositives? Je crois qu'en effet, ils ont fait de très très bonnes choses dans ce domaine, de la synchronisation des diapositives, et non pas des bandes magnétiques, mais des disques. Parce qu'ils ont pour plus de facilité, étant donné qu'ils pensent que beaucoup plus de gens ont un électrophone que de magnétophone, ils ont reporté sur disque le son qui synchronise les diapositives. Et ils ont fait de très très bonnes choses. Nous sommes en train d'ailleurs de faire dans un autre esprit, et plus dirigé, alors il ne fallait surtout pas essayer d'alimenter les mêmes clients. Nous sommes en train de lancer également des montages audiovisuels pour le secondaire. Et la radio scolaire a fait de la radiovision, c'est-à-dire également de la synchronisation du son de la radio avec des diapositives, avec, je crois, un très grand succès. Je voudrais maintenant que nous abordions l'examen pratique et critique en choisissant une ou deux disciplines importantes. Je pense que nous pourrions choisir l'histoire et les lettres, le théâtre. Alors, si vous voulez, d'abord l'histoire. Existe-t-il des bons disques d'histoire? En histoire, il faut bien dire, le disque, malgré l'effort remarquable d'une maison d'édition dont il faut parler tout particulièrement, il s'agit de l'Encyclopédie Sonore, dirigée par M. Georges Jacquard. Il s'agit justement de disques qui sont destinés très exactement à l'enseignement. Donc, malgré l'effort de l'Encyclopédie Sonore, le disque d'histoire n'a jamais eu encore un très grand succès, mais pourrait cependant apporter beaucoup, je crois. Car il pourrait donner cette illustration auditive et sensible de certains faits historiques qui restent pour le moment prisonniers des manuels. D'ailleurs, l'histoire récente, l'histoire contemporaine, l'histoire d'aujourd'hui, peut être présentée d'une façon absolument authentique aux élèves et d'ailleurs aux professeurs, grâce à des documents que la radio et que certaines firmes privées enregistrent au jour le jour. On fait beaucoup de choses en ce moment dans ce domaine. Je pense à un certain disque qui s'appelle Paris Libéré, qui permet d'entendre non seulement les grandes voix de l'époque, le grand discours de Malraux, la voix du général de Gaulle, les fusillades à l'entrée de Notre-Dame, la voix du speaker de la radio qui commentait l'événement. Enfin, j'imagine que ce disque, qui pour nous, contemporains de l'événement, pour nous-mêmes, ce disque est précieux, mais il sera évidemment, pour nos enfants, extraordinaire. Et on peut multiplier les exemples à l'infini. On peut les multiplier à l'infini, oui. Je voudrais que nous abordions le problème de la littérature et du théâtre. À mon sens, l'un des plus importants. J'ai été professeur de lettres, en tout cas, avant d'être ici responsable d'un service administratif. il y a un petit scandale, enfin, dans notre enseignement des lettres, c'est que nous fondons essentiellement notre enseignement de la littérature sur une littérature de théâtre, et que c'est à l'aide, hélas, de petits classiques, qui sont d'ailleurs souvent très bien faits, mais enfin qui ne sont jamais que des textes écrits, que nous essayons d'enseigner le théâtre. Et alors là, évidemment, entre le théâtre lu et le théâtre entendu, eh bien, il y a une distance importante. Il s'agit donc de textes essentiellement oraux, et si nous ne pouvons pas mener nos enfants au théâtre, ce qui serait évidemment le mieux, au moins pouvons-nous, grâce au disque, leur faire entendre un texte de théâtre. Leur faire entendre d'abord en continuité. Je me souviens avoir été extrêmement surpris en voyant Sina, en entendant Sina au TNP. J'avais expliqué Sina en classe de seconde, mais ça a été une véritable révélation. Je me suis dit que moi-même, enfin, qui avait mission d'enseigner Sina aux mes enfants, je découvrais brusquement Sina dans sa progression, dans sa continuité et dans sa pulsation dramatique. Enfin, c'était brusquement une révélation. Je pensais que pour nos enfants, il était essentiel de leur faire entendre au moins le texte dans sa continuité. Et j'ai d'ailleurs, je me souviens à ce moment-là, enregistré sur magnétophone l'interprétation du TNP. Et nous l'avons écouté en classe, et nous ne commencions jamais une explication de texte. Vous savez que nous expliquions, enfin c'est une habitude, de n'étudier qu'une dizaine ou une quinzaine de vers par heure, mais nous n'abordions jamais l'étude de ces 10 ou 15 vers sans avoir entendu d'abord, et tant pis si on perdait quelques minutes pour le faire, sans avoir entendu la scène, et quelquefois 2-3 scènes en continuité, avant de donner ces 15 vers, de façon à les situer, donner donc la vie à des textes. Car là, beaucoup de gens vous disent, mais après tout, la lecture du maître, c'est bien mieux. C'est vrai, sinon que c'est bien mieux, c'est surtout très différent. Un maître a une présence et il sait appliquer sa diction aux nécessités de sa pédagogie. Et c'est parfait. N'empêche que certains textes réclament une distance tragique, réclame une ampleur, une variété de voix et un équilibre entre ces voix, réclame donc une dimension sonore que le seul professeur le plus digne de le faire n'est pas capable d'obtenir, n'est-ce pas? Alors là, je pense que le disque est absolument nécessaire. Nous pourrions peut-être aborder le point de vue critique des enregistrements de théâtre. Le point de vue critique est aussi un point de vue esthétique, d'ailleurs. Oui, il y a différents types, en effet, d'enregistrements. Il y a les enregistrements qui sont des documents. Mais ça, c'est passionnant. Je me souviens de classes qu'on pouvait faire avec simplement une comparaison entre différents enregistrements. Par exemple, une comparaison entre le monologue d'Harpagon vécu par Dulin et le même monologue d'Harpagon par Denis Dinès, par exemple, qui est un excellent acteur de la Comédie française. Et nous partions uniquement de la comparaison de ces deux voix. Et les enfants, choisissant, préférant et expliquant pourquoi ils préféraient telle interprétation à l'autre, il faut bien le reconnaître, c'était celle de Dulin, faisaient une véritable explication de texte, car il fallait dire, finalement, en retournant au texte, pourquoi Dulin avait été plus près de l'intention de Molière que de Nidinès, et c'était une véritable explication de texte, mais qui remontait à partir de l'œuvre et de l'œuvre dans sa vie jusqu'à une explication ensuite plus intellectuelle, voyez-vous. Et je crois que c'était le bon mouvement dans ce cas-là. Puis alors, il y a deux esthétiques d'enregistrement. Certaines maisons créent, forment des troupes pour l'interprétation de certaines grandes œuvres classiques. Et ces troupes sont souvent plus brillantes, plus... Ce sont de belles affiches. Ce sont de très grandes affiches, ce sont des affiches qu'aucun théâtre, en effet, ne pourrait afficher. Mais ce sont des troupes artificielles, c'est-à-dire qu'on réunit des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est très bien, c'est souvent intéressant, parce que ça permet aux enfants d'entendre des voix qu'ils connaissent par la télévision, par le cinéma, et ils sont ravis. Mais il y a, je crois, et c'est plus intéressant, des enregistrements de troupes qui jouent depuis longtemps la même œuvre quelquefois. C'est-à-dire, je pense, à des enregistrements pris sur le vif du TNP, par exemple. Donnons des exemples, l'enregistrement du Cid avec Gérard Philippe. Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle,

Tu le dois? Je ne puis. Crains-tu si peu le blâme et si peu les faux bruits? Quand on saura mon crime et que ta flamme dure, que ne publieront point l'envie et l'imposture, force-les au silence et sans plus discourir, sauve ta renommée en me faisant mourir. Elle éclate bien mieux en te laissant la vie. Et je veux que la voix de la plus noire envie élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis, sachant que je t'adore et que je te poursuis. Adieu. Ne montre plus à ma douleur extrême ce qu'il faut que je perde encore que je l'aime. Dans l'ombre de la nuit cache bien ton départ. Si l'on te voit sortir, mon honneur court hasard. La seule occasion qu'aura la médisance, c'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence. Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu. Que je meure. Va-t'en. À quoi te résous-tu? Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère, je ferai mon possible à bien venger mon père. Mais malgré la rigueur d'un si cruel devoir, mon unique souhait est de ne rien pouvoir. Ô miracle d'amour! Ô comble de misère! Que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. Rodrigue, qui l'eût cru? Chimène, qui l'eût dit? Que notre heure fut si proche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contre toute apparence, un orage si prompt brisa notre espérance. Ah, mortelle douleur! Ah, regret superflu! Va-t'en, encore un coup, je ne t'écoute plus. Adieu. Je vais traîner une mourante vie. Tant que par ta poursuite, elle me soit ravie. Si j'en obtiens les faits, je t'engage ma foi de ne respirer pas un moment après toi. Adieu. Sors. Et surtout, garde bien qu'on te voie. Madame, quelques mots que le ciel vous envoie. Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer. Je cherche le silence et la nuit pour pleurer. Malgré tous les défauts de cet enregistrement du point de vue technique, et un véritable événement dans la pédagogie. Je crois que beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants ont été séduits par le CID grâce à cet enregistrement de Gérard Philippe. De la même manière, il y a de très grands enregistrements, celui par exemple du Don Juan par Villard, etc., etc. L'intérêt de ce type d'enregistrement pris dans la salle et pendant une représentation, c'est évidemment de permettre à l'auditeur et ici à nos enfants d'être dans la salle et de participer vraiment à la réaction même du public. Et d'obtenir le concours d'un acteur supplémentaire, quel public justement? Exactement, oui. Quelquefois, un acteur qui joue mal parce qu'il rit au mauvais endroit, mais c'est tout de même très intéressant. Je crois qu'il n'y a pas d'esthétique unique pour l'enregistrement de ces disques de théâtre. Quelquefois, l'enregistrement public est à recommander, quelquefois, l'enregistrement en studio l'est également. Mais est-ce que vous avez remarqué certains enregistrements qui sont la perfection, qui sont une juste synthèse? Je crois qu'on pourrait, enfin parler de perfection c'est toujours bien difficile, mais enfin on pourrait dire qu'elle a été approchée de très près par un enregistrement, c'est celui des fourberies de Scapin par la Comédie Française, et en stéréo d'ailleurs. Et parce que là il s'agissait vraiment d'acteurs qui avaient joué longtemps le texte devant des spectateurs. Et ensuite, et là c'était le travail des techniciens, on s'est appliqué à adapter aux nécessités du micro des mouvements, des accents, des rythmes qui avaient été éprouvés à l'avance par les muscles même des acteurs, voyez-vous. Et alors là, je crois qu'on retrouve beaucoup du relief et de la vie du théâtre. Et on peut l'introduire au milieu d'une classe. Je pense à propos de théâtre qu'il faut bien accueillir les éditions qui présente le jumelage entre le disque et le livre. Il y en existe beaucoup dans le domaine des lettres, même dans le domaine de la musique d'ailleurs. puisque nous avons eu des disques musicaux accompagnés des partitions, mais je pense particulièrement à la nouvelle collection des disques ADS en collaboration avec l'avant-scène, les connaissez-vous ? Oui, j'en ai reçu deux déjà. Ils sont tous les deux d'ailleurs les bienvenus, enfin ils nous ont intéressés beaucoup. Il s'agit du mois de vacances qui a été le succès de cette année et qui pourra ainsi continuer d'être un succès pour beaucoup. Et puis il y a aussi Le Neveu de Rameau, une interprétation extraordinaire de Pierre Fresnay. Et en effet, ces disques se présentent accompagnés du texte. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que pour Le Neveu de Rameau, je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais le texte imprimé n'est pas toujours le texte dit. Il y a toute la vie et toute la liberté de l'acteur qu'on peut ainsi surprendre en écoutant le disque, en suivant le texte, qui est, je crois, un travail assez savoureux pour tous les amateurs de théâtre. Eh bien, Monsieur Rouvert, nous avons dit déjà beaucoup de choses et il en reste beaucoup à dire, je m'en doute bien. Mais pour terminer, il y a un tout petit secteur qui a une grande importance. C'est le disque pour enfants. Je ne dis pas le disque pédagogique, mais le disque qui est destiné à distraire l'enfant comme un livre d'images. Et je voudrais savoir quelle est votre opinion sur ce problème. Je crois que le disque est très riche dans ce domaine. Il est souvent décevant, il faut bien le reconnaître aussi. Et la commission, tout particulièrement chargée du choix de ces disques, est assez sévère. J'ai souvent testé les effets d'un disque sur un enfant et sur un enfant très jeune. Il y a un monde sonore qui s'adapte très exactement aux besoins de l'enfant qui, lui, est riche d'une imagination merveilleuse. C'est-à-dire que je crois que ce que projette un enfant qui écoute un conte par le disque vaut les plus beaux films qu'on pourrait réaliser pour eux. Et puis je dirais en conclusion que les bons disques pour enfants intéressent beaucoup les parents. Nous allons maintenant mettre à profit le temps qui nous reste pour écouter cet enregistrement des Fourberies de Scapin dont Georges Rouvert nous a parlé et dont il pense qu'il est une des grandes réussites phonographiques dans le domaine du théâtre et de la pédagogie. Les acteurs sont ceux de la Comédie française, c'est-à-dire Messieurs Jacques Charon, dans le rôle de Sylvestre, Robert Hirsch, Scapin, Jacques Cérès, Géronte, Jacques Toja, Léandre, Jean-Louis Gemma, Octave, Jean-Claude Arnaud, Karl, René Camoin, Argante, et mesdames, Micheline Boudet, Zerbinette, Catherine Samier, Nérine, Michel André, Hyacinthe. Les Fourberies de Scapin sont jouées dans une mise en scène de Jacques Charon. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient ? Oui. Qu'il arrive ce matin même ? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier ? Oui. Avec une fille du seigneur Géronte ? Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela ? Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle ? De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre ? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Non, parle si tu veux. Et ne te fais point de la sorte arracher des mots de la bouche. Tiens à parler davantage. Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh, ciel! Par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Non, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment ? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde ? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste ? Hélas ! Tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non ! Mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif.